franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Alors moi, j'ai envie de partir dans un endroit calme, paisible, propre, où on mange du chocolat et de la fondue. J'ai envie de vaches, de montres et d'un gros jet d'eau. Mais je sais bien qu'un tel lieu n'existe pas. Eh bien, détrompe-toi, Marga, car un tel lieu existe et il s'appelle Genève. Mais tu sais, Marga, il n'y a pas que des montres et du chocolat à Genève, puisque la ville dispose d'une vie culturelle d'une grande richesse. En effet, Genève est la ville d'Europe qui consacre la plus grande part de son budget à la culture, plus de 20%. Et la plupart des salles de spectacle, eh bien, sont la propriété de collectivités publiques. Ah, je comprends mieux pourquoi les Genevois auront la primeur d'assister aux toutes premières représentations des montagnes russes. Kézako, comme disent nos ados. Ah ah, bah oui, la culture, c'est vrai que c'est plus ma partie. Et je sais que monsieur Bernard Tapie, qui connaît sans doute très bien la Suisse, va revenir sur les planches. Je suis sûre que ça nous promet des moments de franche rigolade. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, on avait franchement rigolé. Alors, je vais être très honnête. Moi, au départ, je me disais, moi, je sais pas, Bernard Tapie, comédien, eh ben, il était très bien dans son rôle. Ah oui, il faisait des mimiques, excellent. Et puis, très juste hein, dans ses intonations. Et puis, il faisait des allusions à lui en vrai. Oh, la crise de rire. J'ai hâte, hein. Bonjour Marga, bonjour Philippe. Docteur, c'est vrai qu'il était assez bluffant. Ouais. Hein. Et puis alors, pas un seul trou de mémoire. Et au salut, je ne sais pas si tu te souviens, mais on sentait vraiment qu'il avait tout donné. Il était encore dans le personnage du rôle. Bah ouais, tout le monde était debout. Hein. Mmh. Ah oui, alors, c'est pour ça, moi, que je déconseille aux enfants de faire du théâtre. Attention, c'est un facteur aggravant de schizophrénie. On ne sait plus qui on est si on est nous-mêmes la peau du personnage. Quoi ? Mais non, mais rien, mais c'est mignon, t'es ma petite psy. Hein. Mais allô. Oui. Oui, bonjour. Vous allez y aller? Il faut y aller. Où? Et voir Bernard Tapie sur scène. Ah non, c'est pas trop ma tasse de thé. Oui, oh, vous savez, faut pas être snob, hein. Oui, enfin non, c'est pas par snobisme, hein. Ça me tente pas, c'est tout. Bon alors, c'est quoi votre nom déjà? C'est quoi? Ah oui, c'est Jeannine, voilà. Alors, Jeannine, c'est plutôt l'esprit, non? Problème de dépression, peut-être. Non, pourquoi? Je sais pas, c'était une inaptitude à l'amusement, à la légèreté, non? Non, j'adore rire, mais enfin, lui, il me fait pas rire du tout. Ben, vous pouvez pas savoir, vous êtes jamais allé le voir, alors. Non, mais je vois bien le personnage. Ah ben non, vous pouvez pas connaître son personnage, puisque vous l'avez jamais vu sur scène. Non, mais dans la vie. Ben, dans la vie, c'est pas un personnage, madame, c'est lui. Oui, non, enfin, ce qui dégage, quoi. D'accord, ben c'est pas très joli, Jeannine, de juger les gens sur la mine. Vous devez avoir les dents en avant, non, pour juger les gens comme ça, à l'emporte-pièce. Et c'est le morphopsychologue qui vous le dit. Bon alors, Jeannine, cette dépression, c'est depuis quand? Mais je fais pas de dépression. Le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre qu'on est malade, hein, madame. Ah oui, je sais, mais j'ai des graves problèmes de migraine. Migraine, mi... Pardon? Migraine, mi quoi? Je comprends pas. J'ai des migraines, quoi. J'ai mal à la tête, hein. Des maux de tête qui me clouent. Dans ce sens-là, d'accord. Je suis obligée de rester dans le noir sans bouger. Ouais. Ça ressemble quand même beaucoup à de la dépression, hein. Alors, essayez de vous alimenter régulièrement, Jeannine, et buvez beaucoup d'eau, parce qu'à votre âge, on devient très sédentaire et on n'a jamais soif. En effet, on oublie fréquemment de se hydrater, puis un jour, eh bien, on meurt. J'ai 27 ans. Eh bien, tant mieux. Oui, alors la migraine. Alors la migraine, comment ça marche? Eh bien, la migraine, elle est due à différentes causes, pas toutes identifiées. Alors, pourquoi la migraine? Allô? Oui? Alors, pourquoi la migraine, Jeannine? Ah, je croyais que vous alliez me répondre. Je sais juste que c'est pas une migraine cataméniale, puisqu'elle n'a rien à voir avec mon cycle. Par contre, c'est une migraine avec aura, c'est très pénible. Ouais. Ça dure 2 jours et je vois trouble, je reste couchée, je prends des trucs qui m'assomment. Mais voilà, je voulais savoir si vous, docteur, vous avez des, bon, pas des remèdes miracles, mais des idées de traitement même préventif. Hein. Oui. Ah, d'accord, quoi, par exemple? De? Ben, vous avez une idée de traitement? Ben, oui, mais je sais que ça va pas vous plaire. Oh, je souffre tellement, vous savez, je vois pas ce qui pourrait me faire plus souffrir. Bon, écoutez, Jeannine, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'entends chez vous un vrai problème de tension, hein, de presque de rétention, je dirais. Alors, il faut détendre, hein, détendre les neurones, se laisser aller une bonne tranche de rigolade. Non, mais ça n'a rien à voir avec mon humeur, ça me prend n'importe quand, même devant un bon Woody Allen. Ah bah oui, mais madame, mais il faut vous détendre vraiment. On n'est pas obligé de regarder des choses intello en permanence. Il faut savoir, à un moment donné, se lâcher la grappe, hein, madame. Non, ah si. Non, Marga, ça veut pas dire. Ah si, ah, je suis désolée. Non, non, la grippe, c'est pas ça. Ah oui, non, je sais, c'est le cerveau, ben, justement. Non, mais c'est pas ça. Ah bah bon, bah, alors faut arrêter de se bourrer le mou, si vous préférez. Non, vous verrez, ça passera tout seul. Ça non plus. Donc comme solution à mes problèmes de migraine, vous me proposez d'aller voir une pièce avec Bernard Tapie. Oui, bah évidemment, dit comme ça. Non, mais ce qu'on vous dit, Jeannine, c'est, ça a l'air difficile pour vous, hein, à comprendre. C'est que au lieu d'avoir des migraines, vous feriez mieux d'aller voir une pièce avec Bernard Tapie. Voilà. Oh, ben dis donc. Répète ta grosse rigolade tous les jours avec Jeannine. Bon, ben on ira voir le spectacle sans elle. Oula, voilà. Oui. Merci Yann Chouquet de votre mise en onde. Merci. Au revoir Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.